vibe s'installe, l'énergie circule, Rider Skill est là, prêt pour la formule. Les viewers arrivent, la vibe s'élève, chaque instant partagé, la famille se relève. J'ouvre le chat, un sourire sincère, les échanges commencent, atmosphère légère. Des rires, des défis, des moments vrais, dans ce live on construit sans jamais se taire. Le son enveloppe, la baisse roule, chaque mot résonne, le temps s'écoule. Les viewers connectés, la force est là, dans ce stream c'est notre on bat. Flow continue, la vibe est posée, avec Rider Skill tout est partagé, on va skipper, ce bois qui caresse. Un moment fort, une vraie ivresse, on rit, on partage, on s'unit. Co sur Twitch, c'est Rider Skill qui conduit. Les heures passent, le rythme monte, le chat s'anime, l'ambiance affronte. Un flow simple, une énergie claire. Dans ce monde virtuel, tout est lumière. Les trolls défilent, mais on reste soudés. Rider Skill mène, rien n'est oublié. Les viewers fidèles, la team en place. Chaque live est un espace. Flow continue, la vibe est posée. Avec Rider Skill, tout est partagé. On s'amuse, on clash, on se soutient. Dans ce stream, c'est notre lien. Les viewers présents, la famille forte. Unis par le son, la musique emporte. Le flow monte, la nuit s'enflamme. Rider Skill brille, la vibe réclame. Un souffle calme, un instant partagé. Le live respire, l'énergie chargée. Demain sera là, on reprendra. Avec Rider Skill, la route continuera. Je continue, la vibe est posée. Avec Rider Skill, tout est partagé. Nos basses qui pulsent, voix qui caresse. La famille est là, toujours unie.